m'approche parce que sinon la chorale, il ne me regarde pas. Et après, j'ai peur qu'il s'endorme. Alors, nous accueillons ce dimanche ces paroles qui sont en fait une invitation, qu'on le voit immédiatement ou pas, une invitation à la joie. Et je voudrais qu'on commente particulièrement ce soir la première lecture d'Isaïe au chapitre 35, versets 1 à 6. Les premiers versets. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose. Qu'il se couvre de fleurs de champs, des champs, qu'il exulte et crie de joie. Oui, c'est un jour où nous sommes invités à la joie. Mais nous sentons dans cette lecture d'Isaïe que la joie est mêlée de crainte. Fortifiez les mains défaillantes. Affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. On voit donc que c'est une joie mêlée d'une certaine peur. Et même, ça va un petit peu plus loin, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Oups, ça commence à devenir inquiétant. Saint Jacques, lui, le dit à sa manière, il nous dit en deuxième lecture, « Voyez, le juge est à notre porte. » Oups, est-ce qu'il faut vraiment se réjouir d'un Dieu qui vient pour venger, pour tirer sa revanche ? Est-ce que nous devons nous réjouir du jugement qui approche ? On se dit qu'on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt, que si on pouvait attendre encore un petit peu avant le jugement, ça serait peut-être pas mal. Bien, frères et sœurs, chers amis, c'est certainement là que se joue ce temps de l'Avent, et plus précisément cette joie du temps de l'Avent. On n'est peut-être pas sûr de désirer ce jugement. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du jugement. Et quand est-ce qu'on a peur du jugement ? On a peur du juge lorsque nous pensons que nous devons paraître justes devant lui. Parce qu'on a tous fait des expériences de jugement qui ne se sont pas bien passées. Et donc, on considère le jugement de Dieu comme ces expériences humaines qui ne se sont pas bien passées. Il faut à tout prix qu'on paraisse correct devant le juge, pour être sûr qu'on ne va pas avoir de sanctions négatives. On veut être parfait devant le juge. Mais en fait, ça, c'est le régime de l'ancienne alliance. La peur du juge, c'est le régime de l'ancienne alliance. C'est le temps de Jean le Baptiste, qui est encore à l'orée de la nouvelle alliance, mais il est encore dans l'ancien temps, qui nous disait dimanche dernier, en parlant de Jésus, « Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, il tient en main l'appel à vanner, il va nettoyer son air et battre le blé. Et puis il va brûler d'un feu qui ne s'éteint pas la paille. » Quand on accueille le jugement à la manière de Jean le Baptiste, on est dans l'ancienne alliance. On en a peur. On s'imagine que pour échapper à une sanction, il faut être parfait. Nous vivons, nous, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, dans une nouvelle époque, un nouveau temps. Le jugement, aujourd'hui, a pris une autre couleur. Il est là. Il ne faut pas dire qu'il n'y a plus de jugement. Il est là. Mais il a pris une nouvelle couleur. Et nous voyons cette couleur du jugement dans la réponse que Jésus apporte à Jean le Baptiste dans l'évangile qu'on vient d'entendre. Jean qui dit, mais est-ce bien toi qu'on doit attendre? Parce qu'il a des petits doutes quand même. Il se dit, mais il n'a pas une allure de juge, lui. Ça devrait se passer un petit peu plus sec que ça, là. Or, Jésus annonce, allez dire à Jean ce que vous voyez et entendez. Les aveugles retrouvent la vue. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, même les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Là, Jésus est en train à la fois de citer l'Écriture. Donc le prophète Isaïe, c'est la suite du passage qu'on a commencé à lire au début de cette prédication. Le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. C'est des signes messianiques que cette guérison, que ces délivrances, que ces miracles. Mais c'est surtout les signes que Jésus a réellement accomplis. Dans tout le début de l'évangile de Matthieu, on entend quoi ? La prédication sur la montagne. 4 chapitres où Jésus annonce quoi ? La bonne nouvelle aux pauvres. Nous entendons des guérisons de lépreux, la purification des lépreux, guérison du serviteur du centurion, la belle-mère de Pierre, Jésus qui chasse les esprits mauvais, il relève les paralysés, il ressuscite la petite fille et il guérit deux aveugles et un sourd muet. Jésus est en train d'annoncer ce qu'il fait. Il dit et il fait ce qu'il dit. Il accomplit la parole. Voilà les signes réels qui attestent du jugement que Jésus vient accomplir. Un jugement d'une nouvelle manière. Et tout ce message du jugement que le Christ vient accomplir, on peut le résumer, et c'est ainsi que saint Matthieu le résume d'une certaine manière, « Les prostituées et les pécheurs vous précéderont dans le royaume des cieux. » Les prostituées et les pécheurs vous précéderont dans le royaume des cieux. C'est toujours bon de nous le redire. Ça fait du bien. Et c'est bien de cette manière-là que Jésus vient choquer son monde en son temps, mais nous encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi, à la fin de ce petit passage où Jésus annonce ses miracles, il dit une petite phrase qui est très intéressante. « Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. La pierre d'achoppement, la pierre sur laquelle on bute. Mais quand on entend ce message de saint Matthieu, les prostituées et les pécheurs vous précéderont dans le royaume des cieux, on a de quoi être un peu dérangé et avoir envie de chuter ou de buter sur la pierre. Parce que c'est dérangeant. Et pourtant, c'est bien ainsi que le jugement s'accomplit. Le jugement, il s'accomplit et il se réalise pour chacun de nous en cette parole de miséricorde qui vient sauver les pauvres et les petits. Il ne s'agit pas pour nous de faire des petits efforts de conversion. Des fois, on a du mal avec les grands pécheurs et les prostituées. Quand on se sent un petit peu juste, on se dit, on pourrait quand même faire un petit effort là, gagner sa vie en vendant son corps, ça n'a pas d'allure. Des fois, on juge même. Nous, on juge les plus pauvres. Évidemment, quand on fait ça, on est dans une conception volontariste de la foi. C'est un peu le jansénisme, vous savez, ce qu'on appelait le jansénisme, qui existe toujours. Hein. C'est qu'on croit que notre conversion s'origine seulement dans notre volonté. La source de notre conversion, c'est notre volonté. Et alors évidemment, quand on est janséniste et qu'on croit ça, on a peur du jugement. Parce qu'on croit qu'on doit être parfait devant le juge. On croit que c'est nous qui allons montrer au juge qu'on va apporter tous les éléments. Regardez, monsieur le juge, tout ce que j'ai fait de bien. La guérison du jansénisme, c'est la petite Thérèse de l'enfant Jésus qui l'a apportée, qui nous dit « Je me présenterai devant Dieu les mains vides. » Je me présenterai devant Dieu les mains vides. J'ai aucune raison de faire valoir aucun de mes actes. Ils sont tous à leur racine une grâce de Dieu. Oui, vraiment, cette parole nous invite à reprendre en considération bien cette pierre d'achoppement, cette manière dont Jésus peut-être nous fait buter, vient nous-mêmes nous scandaliser par ses propos. Et c'est parfois bon de nous laisser scandaliser d'une certaine manière. Jésus, quand il se présente comme la pierre d'achoppement, une occasion de chute, il cite l'Écriture encore une fois, dans le prophète Isaïe au chapitre 8. C'est le Seigneur de l'univers que vous tiendrez pour saint. C'est lui que vous craindrez, lui que vous redouterez. Il deviendra un lieu saint qui sera une pierre d'achoppement. Un roc faisant trébucher. C'est Dieu. Déjà, Isaïe citait Dieu comme cette pierre d'achoppement, ce roc sur lequel on bute. En fait, la pierre, elle peut être un lieu de protection, un refuge contre l'ennemi, si on la considère comme la source du salut. Mais si on ne la voit pas, qu'on ne la considère pas, on trébuche dessus, on bute dessus et on tombe. Or le psaume nous dit « notre rocher, notre salut, c'est le Seigneur. C'est lui vraiment le Sauveur. » Et celui qui néglige que le salut vient de Dieu, eh bien, celui-là néglige la pierre comme refuge. Il néglige que Dieu est ce sauveur, il est cette pierre, ce roc salutaire qui nous protège de l'ennemi, c'est-à-dire du mal. Et alors, on bute dessus. Alors, dans l'évangile de saint Matthieu, oui, Jésus se présente comme cette pierre d'achoppement et il souhaite que nous ne butions pas dessus. Ça veut dire que nous accueillons ce message de la miséricorde, ce jugement dans la miséricorde, ce jugement par la miséricorde seule, comme la source de notre salut, la source seule du salut. Quelle décision pourrions-nous prendre dans ce temps de l'Avent, alors que nous sommes à la mi-temps avant d'arriver à Noël, à 2 semaines de Noël précisément ce soir. On pourrait relire la première lecture qui va nous donner quelques éléments. Le désert est la terre de la soif qu'il se réjouisse, le pays aride qu'il exulte. On ne nous dit pas que l'opulent doit se réjouir et que l'homme comblé va enfin exulter de joie. Non, c'est le désert. Le désert, la terre de la soif et le pays aride, là où il n'y a rien. C'est la mort. C'est la mort. Que celui qui est mort se réjouisse. Voilà ce que nous dit l'Évangile et la parole de Dieu ce soir. Que celui qui est mort, qui n'attend rien de lui-même, qui est au fond du trou, qu'il se réjouisse. Que celui qui n'a même plus d'espoir en sa propre volonté, qu'il se réjouisse, car il est sur la bonne voie. Sois fort, ne crains pas. Deuxième encouragement qui nous est donné. Sois fort, ne crains pas. La vengeance qui vient, la revanche de Dieu, elle vient de Dieu. La revanche dont il est question ici, ce n'est pas une revanche contre ce qu'on aurait fait de mal, mais c'est une revanche contre le mal. Dieu prend sa revanche contre le mal. Le mal qui veut quoi ? Qu'on pense qu'on va se sauver par nous-mêmes. Dieu prend sa revanche sur le mal en se manifestant notre seul sauveur, et il le fait quand nous sommes pauvres, morts comme une terre aride et assoiffée. Mais il faut avoir le courage. Sois fort et ne crains pas. Avance dans ce désert. Et la troisième conviction qui nous est offerte ce soir dans cette première lecture, il vient lui-même et il va te sauver. Il vient lui-même et il va te sauver. Voilà 3 règles, frères et sœurs, qu'on pourrait essayer de mettre, d'essayer. On va arrêter d'essayer. On va le mettre en œuvre. Parce qu'à force d'essayer, on fait rien. On va le mettre en œuvre cette semaine. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez essayer ou vous voulez le faire? On va le faire. 1. Me reconnaître pauvre, terre aride, assoiffée, désert, brûlant où il n'y a rien qui pousse. C'est l'humble qui reconnaît qu'il ne peut rien faire de lui-même. 2. Deuxième décision, le courage. Sois fort, ne crains pas, tu vois rien, tu n'arrives pas à te sauver par toi-même, ben c'est bien, continue. 3. Il vient lui-même, il vient te sauver. Il vient lui-même, il vient te sauver. Frères et sœurs, si on accomplit, si on réalise ces 3 petites étapes, je vous garantis que la terre et le désert de la soif vont se réjouir et fleurir comme la rose et vont se couvrir des fleurs des champs. Je nous souhaite cela à chacun d'entre nous pour ce temps de l'Avent, que nous goûtions à notre misère pour goûter à la puissance amoureuse de Dieu.